plus nous arriver, Marilyn. Je n'ai qu'un désir et qu'une prière, te garder. Mon amour est pur comme rivière, clair. Je t'ai choisi, Marilyn. Mon cœur bat pour la première fois. Je crois en toi, toi, bonheur immense, mon jour de chance, mon cri de joie. Dans ses yeux chaque jour, pour toujours, je ferai des voyages. C'est ça, l'amour. Je veux pour nous unir, pour nous bénir, un padre de village. Et désormais, près d'elle, fidèle, j'irai à tout jamais. Plus nous séparer, Marilyn. Rien ne pourra plus nous arriver, Marilyn. Je n'ai qu'un désir, qu'une prière, te garder. Mon amour est pur comme rivière, clair, rien ne pourra plus changer ma vie, Marilyn. Rien ne comptera plus, je t'ai choisi, Marilyn. Mon cœur bat pour la première fois, je crois en toi. Three.